Toujours en Corée du Sud, d'après Lyonam News, les membres des formations civiles, y compris la Ligue des organisations féminines, les étudiants et les victimes du crime d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise, ont tenu le 17 devant l'ambassade japonaise à Séoul le 1244e rassemblement de mercredi et condamné catégoriquement les autorités qui importunent les victimes du crime japonais par la conclusion d'un accord humiliant visant à dissimuler les crimes japonais du passé. En outre, il y a eu du 1er au 16 août en Allemagne et au Chili, rassemblements, manifestations, expositions et d'autres activités de solidarité exigeant la solution correcte du problème de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise.